Merci Guillaume Loguet. Ça va les amigos? Oui, très bien, tellement. Et grande décision, je crois que je vais prendre un chien. Non. C'est vrai. À la base, c'est vrai. À la base, je voulais un animal plus original, genre un cétacé. Mais ils font un permis. En plus, un cétacé, typique, c'est mignon quand c'est bébé. Après, il est malheureux dans ton évier. C'est vrai. T'arrives à la maison. Regarde, j'ai ramené ton plancton, 1700 kilos, comme t'avais demandé. Et puis, il soupire avec son évent. C'est le temps de prendre un chat. Alors, en vrai, je voulais absolument un cochon nain, en hommage au patron. Et c'est trop affectueux. C'est trop affectueux, un cochon. C'est hyper affectueux, un cochon nain. C'est gentil. Tu rentres tard, t'as pas eu le temps de faire les courses. Il te fait, allez, vas-y, prends une tranche. C'est un bon compagnon. Ceci dit, moi, je suis végé, il n'y a pas la plus-value. Mais c'est doux, c'est malin, cochon. Sauf que pour être épanoui, il faut qu'il fouille la terre pendant 4 ou 5 heures par jour. Et moi, j'habite en Belgique, tu vois, la justice, elle est déjà débordée, quoi. Si mon cochon fouille la terre 4 heures par jour, ça ne va pas désengorger les tribunaux. Ça colle 15 matin, midi, soir. Et du coup, je crois que je vais prendre un chien. Et c'est un vrai défi parce que j'ai jamais eu d'animal de compagnie de toute ma vie. À part en ce moment, je garde le morpion de Daniel Morin le temps de ses vacances au Club Med. Mais après 10 jours, il n'y a toujours pas d'affect. Je lui dis, donne la patte, et il écoute d'une oreille. Tu sens qu'il a gardé un côté sauvage, ce morpion. Et c'est normal, Daniel, vous connaissez, c'est comme les paresseux, il y a plus de 80 espèces qui vivent sur lui. Dans son caleçon, ils ont tourné microcosmos, c'est vrai. Du coup, moi, avec mon pubis rasé, ce morpion, c'est un indien dans la ville, hein. Tu vois, il a perdu, quoi. Mais du coup, j'avoue que j'hésite encore un peu pour le chien, parce que c'est une vraie responsabilité. Déjà, il faut lui trouver un chouette nom qui corresponde vraiment à ce qu'il est profondément. Moi, j'avais pensé à Luc, ou alors peut-être Denis, mais je veux pas qu'il ait un nom de chien traditionnel du genre Flipper ou Garfield. Je veux qu'ils se disent, ok, je m'appelle Luc, et ben je dois pouvoir lire une comptabilité. C'est, en plus, je sais qu'un chien, ça va me coûter une blinde, déjà pour l'apparence, parce que dès que je l'ai, je l'emmène chez le vétérinaire esthétique. Parce que là, je vais adopter un dog allemand, mais je voudrais que mon chien soit beaucoup plus petit et qu'il ait des poils bouclés. Donc, on va aller en Turquie pour faire des implants. Luc, il aura un look à lui, tu vois, beaucoup de cuir, des pantalons serrants, une Apple Watch. Vraiment, ça va. Je veux que quand on ira au parc à chiens, les autres chiens, ils se disent pas, putain, la honte, Luc, il a que des Uniqlo. Ça se voit, son maître, il est dans le service public. Moi, je veux pas ça. Je veux qu'il ait un vrai look. De toute façon, vous le verrez bien assez tôt. J'ai lu 4 Français sur 10 aimeraient emmener leur chien sur leur lieu de travail parce que ça réduit le stress au boulot. Putain, moi direct, je viens avec Luc à l'émission, tu vois. Alors la Belgique, on a toujours pas l'étoile sur le maillot. Allez, attaque Luc, la jugulaire, le premier qui triche au blind test, il perd une phalange. Je le dis parce qu'il ressemblera à un caniche après notre passage à Istanbul, mais il aura encore ses réflexes avant quand c'était un dog. C'est vrai, en réalité, j'avais réservé un chiot dans une portée, mais pour de vrai, j'ai appris hier qu'il mais était non. croisé avec un American Staff. Je promets que c'est vrai. Et ça, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, quoi. J'avoue que Luc, j'ai pas envie qu'il mange un autre chien ou ne fût-ce qu'un enfant. Tu vois, parce que c'est des frais, quoi. Et moi, je voudrais quand même que mon chien, il soit très inoffensif, quoi. Que même s'il y a des cambrioleurs qui débarquent, il leur fasse aller. Je peux vous offrir une consommation. Mais un staff, putain, un American Staff, il me regarde mal. Je m'enferme dans la buanderie, quoi. Ouais. Tu vois, s'il grogne, je déménage dans un pays chaud. C'est sûr, je vois trop l'histoire arriver. Un jour, je vais rentrer bourré. Je vais trébucher sur lui dans le noir. 11 jours plus tard, les pompiers vont retrouver mon fémur, tu vois, avec lui qui fait, c'était un énorme malentendu. En vrai, ça peut être adorable, ce genre de chien, mais ça doit s'éduquer avec passion et patience, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas envie d'un chien qui va plus souvent que moi chez le psy, quoi. Franchement, moi, je veux un chien tout chill. Au départ, je voulais un chiot, mais c'est que des déceptions, un chiot. Genre, on t'arrête dans la rue, tu crois que c'est pour tes chroniques que tu fais sur le web. En fait, c'est pour ton bébé husky. Hein? Oh, lui, c'est mignon. Oui, mais est-ce qu'il trouve des vannes originales sur Daniel Morin depuis 6 ans? Bon, ben voilà. Tu vois. Du coup, moi, je crois que je vais prendre un vieux clébard en bout de course, tu vois, 14-15 ans, revenu de tout, quoi. Vraiment, genre, tu lui dis, on va se promener, il te fait, oh là, non, malheureux. Tu sais, un chien qui fait des siestes 22 heures par jour, le reste du temps, il reste avec toi et regarde RMC Découverte. Ça, c'est mon objectif, tu vois, un animal que j'aime et qui, même quand je fais des chroniques ratées ou quand je remplis pas mes salles, et de toute façon, au pire du pire, je fais un gosse. Allez, bonne émission. Oh, merci.